Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver pour cette déflagration auditive comme toutes les semaines. Enfin, presque, puisque la semaine dernière, j'étais absent. Donc là, je suis ravi et encore plus motivé pour vous présenter de la bonne musique. Puisque la semaine dernière, j'étais dans la capitale pour m'éclater les tympans en compagnie de Creator, Exodus, Carcass et de Nels. Excusez un petit peu du peu. Et ça, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure de cette excellente soirée. Et bien, ce soir, ce qui nous attend, il y aura quelques nouveautés au nombre de 3. Et aussi, on se fera un hommage à Ross Friedman, dit Ross the Boss, qui a été guitariste des Dictators et de Manowar, qui nous a quittés donc à l'âge de 72 ans, jeudi dernier, je crois, à la suite d'une sale maladie, la maladie de Charcot. Donc, on se fera un petit hommage, bien évidemment, aussi. Donc, survol de tous les genres et sous-genres, donc qui composent notre style musical préféré, bien sûr, comme chaque semaine. Eh bien, on va commencer, plutôt cool, avec ce qui était une des nouveautés d'il y a 15 jours, c'est le nouvel album de Messaline. Messaline, on va dire qu'Electric Shock a presque grandi avec, puisque je crois que le premier album doit dater de 2006. Et Messaline est un mélange de hard rock, de rock progressif, de paroles un peu poétiques, bourrées de jeux de mots, des fois des choses un petit peu abscons. Eh bien, c'est toujours le cas sur ce nouvel album qui s'appelle Alias Lilith, entre parenthèses. D'ailleurs, chaque morceau est un alias quelconque. Eh bien, pour ce soir, le morceau qui va débuter Electric Shock, c'est Geisha, qui est alias Katana Queen. She might Ça fait du bien de réentendre ça. 1981, premier album de Warning, qui portait d'ailleurs le nom du groupe. Ciné-Regard, waouh, ça a pas si mal vieilli que ça au niveau prod hein, quand même. Hein. Beaucoup plus récent, puisque sorti ces dernières semaines, le nouvel album de Messaline, alias Lilith, on s'est écouté donc Geisha, alias Katana Queen. On va se faire donc la première des trois nouveautés de la soirée avec... on va dire le groupe actuel de heavy metal français qui est bien parti pour devenir le numéro un, c'est Existence. Existence qui depuis existe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années et vient de sortir donc son cinquième album. Il faut dire que le précédent Wolf Attack avait fait propulser dans vraiment d'une autre dimension puisqu'il leur a permis quand même de faire quand même la première partie donc d'Halloween à l'Olympia, Megadeth au même endroit l'année suivante, de jouer Wellfest quand même à un petit créneau, et de faire en même temps toute une première partie de la tournée européenne de Udo Dirkschneider, quand même, excusez du peu. Donc c'est pour dire que ce nouvel album était quand même très attendu, et qu'il ne déçoit pas vraiment ce Wildfire. On reste toujours dans du heavy classique typé 80s, mais à la sauce actuelle, comme c'était le cas. Alors cet album, bien que je l'apprécie beaucoup, je le trouve quand même... un poil en dessous de son prédécesseur qui m'avait vraiment foutu une belle claque. Mais attention, ça reste quand même du très très haut niveau quand même. Et c'est du très bon. Et je pense que si certains d'entre vous, s'ils l'ont déjà écouté, vont trouver que je suis peut-être un peu trop dur et ne partagent peut-être pas du tout mon avis parce qu'apparemment, quand j'en discute autour de moi, on n'est pas tellement d'accord avec ce que j'en pense. Bon, enfin, c'est pas grave. Chacun a le droit de se faire sa propre opinion. C'est la vôtre aussi qui compte d'ailleurs. Un petit extrait de cet album, Ocean's Cry. Just wait. les Stéphanois de Evolution et leur album The Cycle, sorti l'année dernière et qui a été vraiment un des coups de cœur de l'émission. Eh bien, c'était un de nos extraits, c'était Rain of Lies. Juste avant, tout nouveau, tout beau, tout chaud, puisque sorti début mars, la première nouveauté de la soirée avec le nouvel album de Existence, Wildfire, qui, je pense, va avoir le même destin que Wolf Attack, sans problème. Et on s'était écouté le morceau Ocean's Cry. De maintenant, comment dirais-je, de Saint-Étienne, on va aller faire un petit tour à Toulouse. Et là, on va se replonger dans le blues rock psyché inspiré de Rival Son, Wolf Mother et bien d'autres, donc type 70s, avec le premier album de Damantra, Better Off This Way, sorti fin février. Et là, on va écouter le morceau Badge. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? C'est non, Slow It Down, tout simplement. Donc, esprit des 70s. Avec Bad Choices, extrait de leur dernier album Birthday, sorti en 2024, et Blue Spills qui sera en concert vendredi soir au Bataclan en compagnie de The Wolf, une tournée en co-tête d'affiche. Oh, que ça sent vraiment les 70s. The Wolf, on s'en écoutera tout à l'heure en fin d'émission. Beaucoup plus, parce que sorti juste il y a quelques mois, même pas, le premier album de Damantra, Better of This Way, et on s'est écouté donc Slow It Down. Eh bien, maintenant, on va se faire un hommage, quelque chose que je suis un peu trop coutumier à mon goût depuis quelques temps, parce que j'ai l'impression qu'Electric Shock devient de plus en plus une rubrique nécrologique. Il y a 15 jours, c'était Phil Campbell de Motorhead, et là, c'est Ross de Boss donc qui nous a quittés donc jeudi à l'âge de 72 ans. On a appris début février qu'il était atteint de cette saloperie qu'est la maladie de Charcot. Ok, d'accord, mais normalement on sait que la maladie de Charcot, ça met quand même du temps à se développer, et là on a appris donc son décès, là récemment remarqué, c'est pas plus mal, au moins il a pas eu le temps de souffrir. Alors Ross the Boss, il s'est fait connaître dans les années 70 tout d'abord avec le groupe de proto-punk The Dictators. Après il a été faire un tour chez nous en France où il a joué pendant un petit moment avec Shaking Street entre autres, et enfin dans les années 80 avec Joey DeMaio, il a fondé Manowar, qu'il a quitté en 1988, et après il a fait de nombreux projets, reformé les Dictators, plein de choses, rejoué avec Shaking Street, et voilà. Alors Manowar, qu'est-ce qu'on peut dire, que moi je trouve que Manowar, j'étais un grand fan de Manowar dans les années 80, suite après son départ, il faut dire que Kings of Metal pour moi était le dernier grand album de Manowar, et après tout doucement ce fut une longue descente vers l'autoparodie, et maintenant c'est devenu Spinal Tap puissance 10, mais vraiment au premier degré. Enfin bref, voilà, ça n'engage que moi. Donc on va ce soir, pour un hommage, je vous ai choisi un morceau de Manowar qui s'appelle Defender, qui à l'origine était sorti juste en single au moment de la sortie de leur deuxième album. Et ce morceau, il a la particularité qu'il y a toute une partie narrative où le groupe à l'époque était carrément inconnu, avait réussi quand même à convaincre Orson Welles de sortir de sa tanière et pour enregistrer ça quand même. Il fallait du culot et quand même de la persuasion, quand même, excusez. D'ailleurs, pour la petite histoire, Defender a été réenregistré quelques années plus tard sur l'album Fighting the World, une version beaucoup plus puissante que celle de 83 et mieux orchestrée, mais je sais pas, j'ai un petit faible, moi, quand même, pour la version d'origine. Donc c'est ça qu'on s'écoute maintenant en hommage à Ross the Boss. We'll be right back. defend. Pardon, quel morceau magnifique que ce Defender de Manowar, donc qui était sorti en single donc en 1983, et ça c'était donc en hommage à Ross de Boss, donc qui nous a quitté à l'âge de 72 ans jeudi dernier des suites d'une la maladie de Charcot. Voilà. Eh bien, ouais, on va se faire une petite nouveauté. Maintenant, on va faire un petit tour en Finlande. Alors, vous dites, ah, du métal mélodique à la Stratovarius. Et non, pas du tout, puisque ce qui va suivre s'appelle Bloodstained Halo. Et Bloodstained Halo est un tout jeune groupe qui s'est formé l'année dernière et qui vient donc de sortir son premier EP. Ils n'ont pas perdu de temps. Et là, on est plutôt dans un mélange de metalcore, de mélodef, pas loin du hardcore par moment aussi. Enfin, bref, du métal très moderne. Donc leur première offrande, donc c'est un petit EP qui s'appelle What Remains of Me, qu'on va découvrir tout de suite maintenant avec le morceau Save Me. vous avez les oreilles qui sifflent, c'est normal, c'est que vous êtes en train d'écouter Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock, l'émission qui grille les neurones, l'émission que tous les ORL du Loiret lui disent merci depuis bientôt, depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Eh bien, ce cassage d'oreilles à l'instant, c'était Social Prophecy, son premier album Tourment, avec le morceau Resurrected, et avant venu de Finlande. Et deuxième nouveauté de la soirée, leur premier EP, What Remains of Me, on a écouté Bloodstained Halo avec Save Me. Donc, comme je vous le disais en tout début d'émission, eh bien, la semaine dernière, vous avez constaté que je n'étais pas ici à vous casser les oreilles. Par contre, moi, je me cassais les miennes à Paris, au Zénith, puisqu'il y avait une belle soirée cassage de nuque intégrale avec Nels, Exodus, Carcass et Creator. Belle soirée donc dans un Zénith en petite configuration certes, mais copieusement remplie, c'est-à-dire qu'il y avait quand même pas loin de 4000 personnes. Et ce qu'on peut dire, c'est que le premier groupe Nels, que je ne connaissais pas du tout, mélange de trash et de hardcore, c'est efficace, mais je dois avouer que j'ai pas accroché plus que ça. Il faut dire que bon, le son était quand même pas non plus à la hauteur, ce qui n'aide pas non plus quand on connaît pas. Enfin, toujours est-il que le public a été quand même assez réceptif. Alors, la claque qui a suivi après, c'était Exodus, à ma grande surprise, et aussi les gens qui étaient à côté de moi. Tout le monde s'attendait plutôt à ce que ce soit Carcass qui prenne la suite, car Exodus est quand même, je crois, plus populaire que Carcass, à mon avis. Du coup, c'était Exodus qui nous a délivré une leçon de violence, comme à son habitude, carabinée. 45 minutes de folie. Par contre, pareil, un son encore perceptible, même si meilleur que pour le premier groupe. Et moi, d'Exodus, j'étais très content de revoir Rob Dukes au chant, car j'ai jamais été un grand fan de Steve Souza, même si j'apprécie Fabulous Disaster, mais je sais pas, j'ai jamais accroché plus que ça à sa voix, qui je trouve a plutôt nuit au groupe. Enfin, là, je suis content de les revoir dans cette configuration, et le public parisien, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé. Quant à Carcass, ils nous ont montré une belle leçon de death metal froid, chirurgical et vraiment bien technique, un bien bon moment aussi. Quant à Creator, eh bien là, waouh, que dire de plus? Scène grandiose, jet de flammes, décor superbe, apocalyptique, on se serait cru dans l'antichambre de l'enfer, avec des pendus accrochés au cintre, des têtes de zombies accrochées au pied de micro, la tête qui figure sur les albums avec des yeux couleurs changeantes, enfin plein de choses comme ça. Et ce qui nous concerne, en tout cas musicalement, ce qu'on pouvait reprocher à Creator ces dernières années, c'était un petit peu de se reposer, comme beaucoup de groupes d'ailleurs de ces époques-là, c'est de se reposer un petit peu sur son héritage des années 80-90 et de jouer 3-4 morceaux du dernier album et puis voilà, et puis basta, et de négliger un petit peu tout le reste, alors que bon, Creator n'a jamais cessé quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que le message a été entendu parce que, bon, bien sûr, on a eu 4 extraits du dernier album. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus, mais enfin bon, c'est déjà quand même pas négligeable. Et surtout, on a eu droit à des morceaux comme Enemy of God, Satan is Real, Etuberales. On a eu aussi Hordes of Chaos, Hell to the Hordes. Enfin bref, des petites choses ces 20 dernières années aussi que le groupe laissait tomber ces dernières années. Donc, en fin de compte, et puis que dire de la prestation? Creator, c'est une machine de guerre. Slayer n'était plus là, mais Creator a pris le relais. Eh bien, pour nous replonger dans l'ambiance, on va s'écouter un petit classique de la machine de guerre allemande, c'est-à-dire People of the Lie, une version live enregistrée au Tons of Metal en 2003 qu'on peut trouver sur l'édition limitée de Crushers of the World en double CD. fucking United States of America to teach you motherfuckers a lesson in violence! Que ça fait du bien. A Lesson in Violence, c'était Exodus, extrait du CD-DVD Shovel-Headed Tour Machine Live at Wacken and Other Assorted Atrocities, qui était sorti en 2010 et qui était la retranscription donc, du concert du Wacken 2008. Et juste avant Creator, avec un de ses classiques People of the Light, qui est extrait donc du Crushing Classics 1985-1990, qui est le CD bonus de l'édition limitée du dernier album Crushers of the World. Et ça, c'était pour se remettre dans l'ambiance du fabuleux concert que Creator et Exodus, en compagnie de Carcass et de Nels, nous ont donné mardi dernier au Zénith à Paris. Eh bien, après cette déflagration, on va se faire quelque chose de beaucoup plus psyché. Et on va revenir à l'album de Red Sun Atacama que je vous avais présenté il y a 15 jours. Mélange de stoner, de punk, de psyché, de plein de choses. Album vraiment excellent qui s'appelle donc Summer Child. On va se faire un truc tout cool qui s'appelle donc Sundown. Thank you. It's hard. Voodoo Queen, les petits chouchous de Voodoo Queen avec leur premier album Violet Crown, c'était donc Morning Sun. Avant Morning Sun, on a eu Sundown qui lui était extrait de Summershine, le dernier album de Red Sun Atacama. On va se faire la troisième et dernière nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient des Landes, de Cap-Breton exactement, avec des jeunes filles qui s'appellent Pussy Miel, jeunes filles qui ont beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. Donc Pussy Miel donc, existe depuis quelques années et vient de sortir son premier EP qui s'appelle Be Rage, déjà tout un programme. Eux, musicalement, elles sont restées bloquées sur les années 90, les années grunge, Nirvana, Alice in Chains, ce genre de choses. Côté punk, do it yourself, ça s'entend, voix abrasive, guitare un peu crade. Mais bon, ça le fait, c'est efficace. Je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes groupes qui se revendiquent de cette époque-là. Après tout, c'est pas une chose. On a bien un revival de heavy metal des années 80, donc pourquoi pas. Quand c'est bien fait, c'est pas un problème. Eh bien, on va se faire donc un extrait de ce premier EP qui est sorti donc le 13 mars dernier. Et c'est un morceau qui nous parle de quoi ? Du Covid. We'll be right back. duo de fous furieux de You avec un des extraits de son album The Calling, c'était Kings. Avant, c'était donc la troisième et la dernière nouveauté de la soirée, donc venue des Landes de Cap-Breton exactement, Pussy Miel et son premier EP Be Raged, et on s'est écouté le morceau Covid. Eh ben, on va se faire un petit tour maintenant dans l'est de la France, retrouver un petit groupe de death metal sympa qui s'appelle Towards the Throne, mélange de thrash, de death, de plein de choses bien agréables à écouter. Et donc, c'est le deuxième album Midnight qui est sorti ces dernières semaines et on va s'envoyer une petite chose sympa qui s'appelle Malice in Veins. Oh! Vector et son album Brain Collector, Bliss Through Butchery. Ça, c'était la petite douceur qu'on vient de s'envoyer. Juste avant, une autre petite douceur, mais venue de Towards the Throne et leur deuxième album Midnight, c'était Malice in Veins. Et bien maintenant, allons faire un petit tour du côté de Tours, hein, donc pas très loin de chez nous, redécouvrir le groupe Coma, qui est un power trio, donc tourangeau, qui mêle punk, post-hardcore et noise. On vous a passé un petit extrait de leur premier album Anthropolis il y a 15 jours déjà. Et bien on va remettre ça ce soir avec le morceau H-Aid qu'on envoie maintenant. Donc ambiance complètement différente. 20h30 tout rond sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, c'est bien Electric Shock. Electric Shock, c'est jusqu'à 21h, entre 19h et 21h, tous les mardis soirs. À l'instant, donc, les Tourangeaux de Coma et leur premier album, nouvel album Anthropolis, c'était H-Hide. Et comme je vous le dis souvent, la radio, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut bouger à travers le temps et l'espace sans bouger le cul de son fauteuil. Ben là, c'est le cas. On va aller au Mexique écouter du métal progressif avec un groupe que si vous connaissez certainement si vous avez écouté Electric Shock ces dernières semaines. C'est le groupe Element et son premier album Dreamer, qui nous fait quasiment un copier-coller de Dream Theater, mais vraiment superbement exécuté. Donc, on va se faire un petit extrait de cet album dont les morceaux sont diffusés. Découpé en chapitres, puisque tout ça c'est un concept. Donc, extrait du chapter 1, tout d'abord, Let It Shine. We'll be right back. Element, donc avec deux petits extraits donc de leur album Dreamer, tout d'abord Over and Over et Let It Shine, donc tous deux extraits donc du chapitre 1. Et bien, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit en début d'émission, quand on a passé un extrait de Blues Pills, ben, ils seront en concert donc au Bataclan vendredi soir en compagnie de The Wolf, en co-tête d'affiche. Eh bien, je vous avais dit qu'on allait en passer du The Wolf en fin d'émission. C'est le moment arrive. Donc, si vous aimez le hard psyché des années 70, les débuts de Deep Purple, à l'époque où les morceaux étaient interminables avec des jams pas possibles, The Wolf, c'est vraiment le groupe qui est fait pour vous. Pour vous dire, je les ai vus une fois en concert, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pris une claque de la gueule, j'ai cru que je faisais un bond dans le temps de quasiment 40 ans, quoi. Donc on va se faire un petit extrait du deuxième live qui était sorti en 2019, Live at Outside 2, avec un petit morceau qui s'appelle « Décide à nouveau ». pense qu'en 70, quand les gens ont découvert Deep Purple, voilà ce qui leur était tombé dessus. Beaucoup plus récent, les trois frangins de The Wolf et leur album Live and Out of Sight 2 qui était sorti en 2019. Vous avez eu le morceau Dissit and Woo avec son petit solo de batterie. Et The Wolf, donc, qui sera en concert vendredi au Bataclan en compagnie de Blues Pills. Et bien maintenant, de la Hollande, allons faire un petit tour au Canada, retrouver les barrés de Empire de Mu et leur album The Lotus Legacy. Et ce groupe de death metal opéra, on va écouter Les Adorateurs du Soleil. Oh, Decadent Brutality, extrait de Elfernum, le dernier album de South of Hell. Voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Alors, pour info, ne ratez pas la semaine prochaine, puisqu'on aura des invités. On aura Chris et Phil du groupe Prisma, et aussi quelqu'un du groupe Epitude, qui nous parleront de la cinquième édition du Creek for Zeek Festival, qui maintenant devient quelque chose de pérenne. Donc on discutera de tout ça avec eux, puis on découvrira bien sûr les groupes qui seront à l'affiche du festival, qui aura lieu donc à Cléry-Saint-André le 11 avril prochain. Et ben voilà, donc Electric Shock, c'est fini. Merci à vous, mais par contre la musique continue. À Midnight Clubber, c'est l'heure d'Electro Live. Ou Christophe n'attend qu'une chose, d'ailleurs ça le démange de commencer l'émission depuis tout à l'heure. Alors je sais pas ce qu'il vous a préparé tout à l'heure, parce que vu comment ça le démange, ça doit être du costaud. Salut. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est quoi le programme de ce soir alors? C'est ma playlist il y a deux semaines, progressive et après techno. Donc, je me rappelle plus ce qu'il y a dedans, mais je sais que c'est de la progressive et de la techno. Je crois que j'avais une centaine de titres là-dedans, donc je vais piocher là-dedans. Donc, amis Nightclubbers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La seule chose, c'est de rester branché sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et d'écouter Electro Live. Yes. Moi, ce qui me concerne, je vous retrouve donc la semaine prochaine en compagnie de mes invités. Ciao.